formidable, n'est-ce pas? Sauf pendant l'apéro, quand on veut picoler un peu trop. Alors chantez-leur ce petit refrain qui les occupera bien. Pistache, pistache, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Pistache, ça va couler à l'état de tâche. Pistache, fais pas cette tête. Mignonnette, ça a coulé. Allez, lèche ta glace. Pistache, t'as trois taches. Moustache dessous ton nez. Allez, fais pas cette tête. Alouette, plus lèche ta glace. Pistache, ta tâche. Pistache, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Pistache, ça va couler. Allez, t'as deux tâches. Pistache, fais pas cette tête. Mignonnette, ça a coulé. Allez, lèche ta glace. Pistache, t'as trois tâches. Moustache dessous ton nez. Allez, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Pistache, en général, c'est un texte qui se retient bien. Les enfants l'adorent. Pour l'avoir bien en tête, on va le répéter encore une fois ou deux. Vous êtes prêts? T'as une tâche, pistache, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Pistache, ça va couler. Allez, t'as deux tâches, pistache, fais pas cette tête. Mignonnette, ça a coulé. Allez, lèche ta glace. Pistache, t'as trois tâches. Moustache dessous ton nez. Allez, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Pistache, t'as une tâche. Pistache, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Pistache, ça va couler. Allez, t'as deux tâches. Pistache, fais pas cette tête. Mignonnette, ça a coulé. Allez, lèche ta glace. Pistache, t'as trois tâches. Moustache dessous ton nez. Allez, fais pas cette tête. Alouette, lèche ta glace. Maintenant, vous risquez juste que votre gamin vous dise que votre chanson est pourrie.